Je peux y aller. Bien. Voilà, bien, bonsoir à tout le monde. Nous revenons donc à notre évangile de Matthieu pour en faire une lecture hébraïque, comme nous avons commencé à le faire. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur la question de l'adoration des mages. Mais avant de poursuivre ce que l'on appelle l'évangile de l'enfance, c'est-à-dire les deux premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, je vais revenir un petit peu sur la question des deux généalogies, celle de Matthieu et celle de Luc, qui divergent. La dernière fois, ça n'avait pas toujours été très clair, donc je voudrais revenir un peu là-dessus. Et donc, j'ai revu un peu mes sources, là. Et la première remarque que l'on fait concernant justement ces généalogies, surtout la généalogie de Matthieu, qui est composée donc de séries de 14 générations, parce que ça a la symbolique que nous avons vue. Certains se sont un petit peu étonnés qu'il y ait des chaînons qui manquent quand on compare cette généalogie avec les généalogies de l'Écriture. Mais en réalité, dans le judaïsme de l'époque, on se réservait le droit d'exclure des généalogies ceux qui avaient eu un comportement idolâtre. Et c'est ce que fait Matthieu, par exemple, justement, quand il supprime Jéhoiakim, qui avait brûlé les prophéties de Jérémie. Maintenant, en ce qui concerne les deux généalogies, celle de Luc et celle de Matthieu, il faut savoir que Luc emploie, disons, adopte plus exactement une lignée secondaire de la descendance davidique. Donc c'est à partir de David que ça diverge. Il y a une première divergence à ce niveau-là, parce que cette lignée-là était devenue dynastique par extension de la lignée de Ichronia, qui était donc le dernier de la lignée davidique proprement dit, et qui avait donc adopté Néri, époux de sa fille. Donc là, il y a déjà une divergence, parce que là, on a aussi déjà affaire à un mariage de type en relation avec le Lévira. Matthieu, donc, on l'a dit la dernière fois, lui adopte la lignée juridique, et Luc, la lignée biologique, à cause justement de ces questions du mariage léviratique. Ça veut dire que, on l'a vu, quand un homme meurt sans enfant, son frère cadet épouse la veuve du mort, et le premier enfant qui naît de cette union est considéré juridiquement comme le fils du décédé. Si bien que l'héritage du décédé n'est pas accaparé par un autre clan ou par une autre tribu. Et c'est ce qui se passe à deux reprises dans les généalogies justement de Jésus. Et notamment le dernier chaînon, où nous retrouvons deux individus, Jacob et Élie. Donc Jacob est le père légal de Joseph et Élie son père biologique, selon le témoignage que l'on a oublié la dernière fois de Jules l'Africain. Ça veut dire que les deux hommes ont épousé la même femme, ça veut dire que la femme de Jacob, Jacob est mort sans avoir d'enfant, et donc son frère Élie, son frère cadet, a épousé cette femme, et le premier enfant qui est de cette union était Joseph. Par conséquent, on peut dire que d'une certaine manière, Joseph a deux pères, un père juridique, Jacob, et un père biologique, qui est Élie. Donc, voilà, je voulais faire cette mise au point pour que les choses soient claires. Je pense que maintenant, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Donc, nous allons poursuivre ici cette étude de l'évangile de l'enfance. Et à partir du verset 13 du chapitre 2, nous disons, après leur départ, le départ des mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs, beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc ici, 2 pécharim. Que nous retrouvons dans la succession de ces 6 pécharim qui marquent l'évangile de l'enfance chez Matthieu. Pécher, je rappelle ce que nous avons dit, c'est une actualisation de la prophétie. Il s'agit de démontrer comment, aujourd'hui, des prophéties antiques sont en train de se réaliser. Et c'est surtout à Qumran qu'on trouve ce style littéraire. On prend un verset d'un prophète et on dit « ça c'est ce qui concerne » et puis donc on explique ce qui s'est passé et on y voit une actualisation de la prophétie. Remarquons qu'un verset peut se prêter à différents pécharim à différentes époques. Donc ici nous avons vu que le pécher précédent concernait l'adoration des mages et que donc Matthieu mêlait à la fois le pécher et le midrash. Alors le pécher, nous avons vu, c'est l'actualisation de la prophétie. Le midrash, eh bien, c'est de tirer des événements tels qu'ils se sont déroulés un enseignement spirituel, une leçon spirituelle. Il faut essayer de comprendre que les événements ne se produisent pas au hasard, c'est Dieu, c'est la main de Dieu qui conduit le déroulement des événements, et de telle manière que, en dernier ressort, il faut essayer de comprendre ce que Dieu a voulu dire au travers des événements eux-mêmes. Les événements parlent par eux-mêmes, évidemment, il faut une certaine sagacité pour pouvoir discerner cette leçon de Dieu dans l'histoire. Mais c'est justement le propre des hommes de Dieu, et c'était ainsi qu'agissaient les prophètes. Les prophètes essayaient de mettre en évidence, comme le dira le prophète Amos, le secret de Dieu dans l'histoire. Dieu ne fait rien, dira le Seigneur à Amos, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est pourquoi l'historiographie biblique de l'Écriture est une historiographie prophétique, parce que au travers de cette succession d'événements qui sont des événements historiques que finalement un historien profane aurait pu aussi disons mentionner, mais l'historiographie biblique est une histoire sacrée parce que justement les prophètes sont capables de mettre en évidence, de discerner et de mettre en évidence le secret de Dieu caché dans l'histoire. Et si nous reprenons le cas de l'adoration des mages, nous avons vu que bon, c'est l'accomplissement de la prophétie de Michée 5 sur Bethléem, mais aussi il est intéressant de noter que Matthieu est le seul des évangélistes à mentionner cette adoration des mages. Et Luc, notamment, dans son évangile de l'enfance, le seul qui est aussi un récit de l'enfance de Jésus, ne mentionne pas du tout cette adoration des mages. C'est très curieux que ce soit Matthieu qui le fasse, puisque nous l'avons vu, Matthieu est le plus juif de tous les évangélistes. Et là, il s'agit d'une adoration des païens qui précède, finalement, l'adoration du peuple d'Israël. Là, il nous faut justement essayer de comprendre le midrash de ce texte. Qu'est-ce que cet événement veut nous enseigner? Alors, il faut aussi comparer cet événement avec le reste de l'évangile de Matthieu, et en particulier avec la fin de l'évangile de Matthieu. Matthieu, donc, est un évangile juif, et il nous dépeint le ministère de Jésus se limitant au peuple d'Israël. Et lorsque on demandera à Jésus d'agir pour des non-juifs, Jésus répondra « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc le ministère de Jésus se concentre et se borne au peuple d'Israël exclusivement. Il y a quelques rares exceptions où le Seigneur intervient en faveur des païens, le fameux centurion romain, la femme cananienne, etc. Mais disons, ce sont des exceptions à ce qui est la règle que Jésus s'est fixée. Or, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus est ressuscité, la perspective change. Et Matthieu nous montre donc une des apparitions du ressuscité à ses disciples en Galilée, sur la montagne. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette expression « la montagne ». Il y a, chez Matthieu, nous avons l'occasion de le voir, une géographie spirituelle, et notamment justement une montagne mystérieuse, qui géographiquement n'est pas définie, mais qui était connue évidemment des lecteurs de Matthieu. Et là, Jésus donne à ses disciples, après sa résurrection, rendez-vous sur cette montagne. Et là, il va leur confier ce que nos frères anglo-saxons appellent la grande commission. C'est-à-dire aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et notamment à toutes les nations. Et la vision de Matthieu, qui était une vision nationaliste, ça veut dire limitée au peuple d'Israël, après la résurrection, devient universaliste, ça veut dire elle s'étend au monde entier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que pendant toute la première partie, enfin pendant toute sa vie terrestre, si j'ose dire, Jésus s'est strictement limité au peuple d'Israël? Et pourquoi est-ce qu'après sa résurrection, il ordonne à ses disciples d'aller dans le monde entier, alors qu'il avait fait le contraire? Quand il les avait envoyés en mission, il avait dit « n'allez pas chez les Samaritains et n'allez pas chez les pagans, mais contentez-vous des brebis perdues de la maison d'Israël ». Or, après la résurrection, il fait l'inverse. Pourquoi? Parce que justement, la résurrection est un événement essentiel, capital, qui fait que ce qui était limité jusqu'alors au peuple d'Israël devient maintenant accessible à toutes les nations. Et par conséquent, l'évangile de Matthieu se termine sur cette vision de l'évangile, de la dimension universelle de l'évangile, qui est une réalité indispensable pour que s'établisse le royaume de Dieu. Ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors donc, la fin est universaliste. Mais finalement, le début de l'évangile aussi est universaliste. Parce que justement, ce sont des pagans qui sont les premiers à venir adorer le Messie. Donc, voyez-vous, il y a une cohérence dans l'évangile de Matthieu. Et dès le départ, Matthieu veut nous montrer que cet évangile, qui dans l'essentiel de son propos va être limité au peuple d'Israël, dès les origines, était destiné à toutes les nations. Et ces mages, qui sont des païens, pire encore, des gens qui pratiquent l'occultisme, eh bien, vont avoir la possibilité d'entrer dans l'héritage d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent en posant la question « Où est le roi des Juifs ?» Et quand ils vont aller l'adorer, c'est en tant que roi des Juifs qu'ils l'adorent. Et ça, c'est quelque chose d'important pour Matthieu. Oui, l'évangile est destiné aux païens. Oui, l'évangile a une dimension universelle, mais à une condition. C'est que ces païens qui vont recevoir le salut en Jésus reconnaissent en lui le roi des Juifs et l'adorent en tant que roi des Juifs. Ça veut dire que Matthieu nous dit, par le procédé midrashique qui est celui du peuple d'Israël, que Jésus ne peut être le sauveur des païens qu'à une seule condition, c'est qu'il soit le Messie d'Israël, le roi d'Israël. Messie, évidemment, c'est synonyme de roi, hein, Meler HaMashiach, le roi qui a été oint. Et pour pouvoir entrer dans la totalité du salut, les païens doivent commencer par adorer Jésus en tant que roi des Juifs, en tant que roi d'Israël. Parce que eux aussi auront part au royaume messianique quand le royaume viendra, ce royaume dont Jésus sera le roi. Il est intéressant de noter, on vient de fêter Noël il n'y a pas longtemps, et il y a dans l'hymnologie chrétienne un cantique qui est le cantique dont nous connaissons la mélodie, mais une mélodie, c'est le plus ancien cantique, plus exactement, dont nous connaissons la mélodie. Ce cantique, il date du IVe siècle. On a beaucoup de cantiques, évidemment, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des cantiques qui nous sont rappelés, mais sans mélodie. On ne connaît que les paroles, pour une simple raison, c'est qu'à l'époque biblique, l'écriture, la notation musicale n'existait pas. Les notes de musique telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient pas. Par conséquent, les mélodies étaient transmises oralement. Et bien évidemment, à cause de toutes les vicissitudes que le peuple d'Israël a subies dans son histoire, nous avons perdu, nous avons oublié les mélodies sur lesquelles ces cantiques, comme le Magnificat, le Benedictus, le Nunc Dimittis, etc., tous les cantiques sont rapportés dans le Nouveau Testament, étaient chantés. Et le cantique le plus ancien dont nous connaissons la mélodie est un cantique qui date du IVe siècle et qui a pour auteur un des pères de l'Église qui fut d'ailleurs le maître de Saint-Augustin, qui était Ambroise de Milan, évêque de Milan comme son nom l'indique. Et à l'occasion d'une fête de Noël, Ambroise de Milan avait appris à sa communauté un cantique qui disait ceci: viens maintenant, ô sauveur des païens. Et c'est encore chanté à l'occasion de Noël dans la plupart des églises chrétiennes. La la la la la la la la la la la la la la la. Ça, c'est le plus ancien cantique que l'on connaisse. Viens maintenant, sauveur des païens. Voyez-vous, ici, on aperçoit cette déviation qui s'était déjà manifestée à cette époque dans l'Église chrétienne. Parce que pour Ambroise de Milan, Jésus n'était rien d'autre que le sauveur des païens. Il ne voulait connaître en Jésus rien d'autre que le sauveur des païens. Aucune allusion dans ce cantique à la royauté de Jésus. Aucune allusion dans ce cantique à la messianité de Jésus. Et Ambroise de Milan avait oublié que si Jésus n'est pas le Messie d'Israël, il ne peut pas être le sauveur des païens. Et voyez-vous, quand on nous dit « Mais pourquoi vous intéressez-vous tellement à Israël ?» Après tout, pour nous, ce qui nous intéresse dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus soit notre sauveur, à nous les païens. Oui, mais on a oublié ça. Que si nous ne reconnaissons pas en Jésus le Messie d'Israël, Jésus ne peut pas être le sauveur des païens. Et la messianité de Jésus, c'est quelque chose aussi que inconsciemment nous confessons, même ceux justement qui ne veulent pas se référer à cette filiation juive de Jésus. Quand nous disons Jésus-Christ, qu'est-ce que nous disons ? Beaucoup pensent que Jésus c'est son prénom et Jésus et Christ c'est son patronyme. Et en fait, Christ, ce que nous disons Christ, ça correspond au grec Christos, qui est la traduction grecque du mot hébreu Mashiach, Messie. Et Messie, c'est l'abréviation de Meler HaMashiach. Ça veut dire le roi qui a été roi. Et quand nous disons Jésus-Christ, nous disons Jésus est le roi d'Israël qui a été roi. Voilà ce que nous disons. Et c'est la condition indispensable, justement, pour que les païens soient sauvés. Alors ça, voyez-vous, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle Matthieu met ça au début de son évangile. Parce que justement, cette condition que les mages ont bien comprise, de venir d'abord adorer Jésus en tant que roi des Juifs, va permettre la grande commission qui se trouve à la fin de l'évangile et qui va être cet appel aux apôtres de diffuser le message de l'évangile parmi toutes les nations pour que, au temps de la fin, quand Israël sera sauvé, il y ait des élus d'entre toutes les nations qui le soient avec Israël, qui entrent dans le royaume. Et le royaume, c'est le royaume d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. Et par conséquent, les païens seront associés à cette rédemption d'Israël. Les païens ne seront pas sauvés sans Israël. Car pour l'heure, comme dira l'apôtre Paul, nous sommes sauvés, oui, mais en espérance. Nous avons les arts de l'esprit, mais nous n'avons pas encore la plénitude du salut. Et cette plénitude du salut ne nous sera accordée qu'au temps de la fin, quand Israël aussi accédera au salut et par conséquent entrera en pleine possession de son héritage. Deuxième pécheur, c'est donc après le départ des mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en lui disant « Prends le petit enfant et sa mère et descends en Égypte. » Et dans les deux pécharim que nous avons lus tout à l'heure, donc ici la fuite en Égypte d'une part et le massacre des enfants de Bethléem, le massacre des innocents comme on l'appelle, il y a deux thèmes qui s'entrelacent. D'abord, il y a référence à l'histoire de Moïse. L'Égypte, évidemment, c'est là que Moïse est né, on le sait. On a vu qu'il y a un parallèle déjà qui est fait par Matthieu dans le péché précédent, justement celui qui concerne les mages, entre Hérode et Pharaon. Hérode, pour Matthieu, est une sorte de nouveau Pharaon qui va agir comme l'avait fait le Pharaon autrefois, chercher à faire périr le libérateur. Pour Pharaon, le libérateur était Moïse, qu'il s'agissait de faire disparaître. Pour Hérode, le libérateur est Jésus, qu'il s'agit également, dans les mêmes conditions, de faire disparaître. Et les deux libérateurs, le premier Moïse et le dernier Jésus, vont être sauvés de la même manière, par une intervention de Dieu, par un miracle de Dieu. Et donc Jésus, lui, va être sauvé par une intervention d'un ange qui va révéler à Joseph ce que Hérode prépare et par la fuite en Égypte. L'Égypte, nous l'avons vu, c'est un pays très ambigu dans la Bible. C'est à la fois quelque chose de positif et de négatif. Positif parce que c'est le refuge de tous ceux qui sont dans la difficulté. C'est en cas de famine l'endroit où Abraham va et puis Jacob vont se réfugier parce que à cause du Nil. Pardon ? Non, Jacob. Isaac ne descendra pas en Égypte. Et Dieu lui interdit de le faire. Et il va intervenir pour lui dans le pays de Canaan pour qu'il échappe à la famine d'une manière miraculeuse. Non, c'est Abraham et Jacob qui descendent tous deux en Égypte en cas de famine. Puis le peuple d'Israël tout entier. Plus tard, ce seront des bannis et des proscrits qui se rendront en Égypte. Jéroboam, par exemple, quand il se révoltera contre Salomon. Et puis, d'autres personnages aussi qui feront la même chose. Et enfin, après la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, un certain nombre de Juifs y entraîneront Jérémie aussi dans le but de s'y réfugier. Et c'est pourquoi le Seigneur dit à Israël, tu ne haïras pas l'Égyptien, parce que finalement il t'a accueilli dans son pays. Mais bien sûr, l'accueil peut se transformer en servitude, comme on le sait. Et donc, il va y avoir ici une descente en Égypte qui va être effectuée par le Messie. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y a un midrash très important dans ce domaine-là. On sait qu'à l'époque de cet événement-là, il y avait à Alexandrie, capitale de l'Égypte de cette période, une importante communauté juive et de nombreuses organisations juives qui aidaient leurs frères dans la pauvreté. On peut penser que Joseph et Marie ont bénéficié de l'existence de ces ligues qui donc les ont certainement accueillis pendant un certain nombre d'années. C'est difficile d'avoir une chronologie très précise. Il semblerait que Jésus soit né, disons, en moins 6. Ça, c'est des spéculations. Mais disons, si l'on tient compte du fait que donc Hérode est mort en moins 4, donc Jésus est né avant la mort d'Hérode, donc il est de toute manière né avant moins 4. Et deuxièmement, entre la naissance de Jésus et l'adoration des mages, un certain temps s'est déjà passé. Donc un an ou deux ans semble-t-il, puisque Hérode va faire massacrer les enfants de Bethléem au-dessous de l'âge de 2 ans. C'est donc que Jésus, quand il a quitté Israël pour l'Égypte, était âgé de près de 2 ans vraisemblablement. Bon, Hérode, donc, si les choses ont eu lieu à ce moment-là, est mort peu de temps après. Ça veut dire que le séjour en Égypte aurait été vraisemblablement assez bref malgré tout. Bon, c'est difficile de donner une chronologie plus précise, puisque évidemment les textes sont muets sur ce point-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de noter deux choses. C'est le péché qui nous est fait, afin que s'accomplisse. Jésus descend en Égypte, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils en Égypte. C'est une citation du livre d'Osée. Où le prophète dit ceci: quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Alors, quelle relation entre ce verset d'Osée et puis finalement la descente de Jésus en Égypte? Bien, le verset d'Osée, essayons de comprendre aussi ce que le prophète voulait dire quand il dit donc, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Quel est ce fils mystérieux auquel Osée fait allusion? Alors, il nous faut revenir au récit de l'Exode, tel qu'on le trouve dans le livre du même nom. Et lorsque Moïse retourne en Égypte, d'ailleurs, c'est intéressant aussi, depuis le pays de Madian dans lequel il s'est réfugié, il reçoit de Dieu ce message: tu te présenteras devant le pharaon, tu diras ceci: Israël est mon fils, mon premier-né, ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon fils, je te prendrai ton fils, ton premier-né, ce qui se passera. Et voyez-vous, le fils premier-né, c'est Israël. Et Osée reprend cette tradition dans son propos quand il dit: quand Israël était jeune, donc quand il était en Égypte, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et voyez-vous, ce que Matthieu veut nous montrer, c'est qu'en descendant d'Égypte et en remontant, comme Israël l'a fait, Israël est descendu en Égypte. Sur un songe d'ailleurs. Jacob avait eu un songe de la part de Dieu qui l'autorisait à descendre en Égypte. Jacob, c'est Israël, c'est l'ancêtre du peuple, mais c'est aussi le patriarche. Et au bout de 400 ans, Israël est remonté d'Égypte vers la terre promise. Or, Jésus va aussi descendre en Égypte et il va en remonter à l'image de ce qu'a été l'histoire du peuple d'Israël. Autrement dit, Jésus revit l'histoire du peuple d'Israël. Et Matthieu nous dit en quelque sorte ceci: Jésus est en réalité le véritable Israël. Il est le fils aîné, le premier-né, comme Israël était le premier-né, quand il a été appelé hors d'Égypte. Mais bien sûr, Israël n'était fils premier-né qu'au sens figuré, tandis que Jésus est le fils premier-né au sens plein du terme. Il est véritablement le fils de Dieu, puisque né miraculeusement du Saint-Esprit, conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Donc Jésus non seulement revit l'histoire de son peuple, mais il est le véritable Israël. Et à nouveau, Matthieu nous rend conscient et il renforce cette idée qui avait déjà été celle du pécheur précédent, comme l'avons vu. Jésus, il existe une solidarité complète entre Jésus et son peuple. On ne peut pas séparer Jésus de son peuple. Et le ministère de Jésus, la vocation de Jésus, ne s'explique qu'en fonction de l'histoire du peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle le ministère de Jésus, tel qu'il nous est apporté dans les évangiles, et en particulier dans l'évangile de Matthieu, est tout entier centré justement sur Israël. De telle sorte qu'on ne peut pas lire les évangiles, on ne peut pas lire le Nouveau Testament sans cette référence constante à Israël. Et il y a une dimension ici qui souvent échappe aux chrétiens, c'est que vous ne trouverez nulle part dans les évangiles la mention de l'Église, à deux reprises seulement chez Matthieu. Mais vous trouverez par contre de nombreuses références au peuple d'Israël, de nombreuses références au peuple juif. Et ce qui est extraordinaire, c'est de considérer qu'en 2000 ans de christianisme, l'Église des païens a réussi ce tour de force de lire le Nouveau Testament comme s'il n'y était jamais question d'Israël. Et encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'il n'est question d'Israël que dans l'Ancien Testament. Et un pasteur me disait il y a très longtemps, Israël c'est l'Ancien Testament, l'Église c'est le Nouveau Testament. Cherchez encore une fois dans les évangiles les endroits où vous trouvez la mention de l'Église, deux fois seulement. Dans l'histoire, quand Jésus dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église », et lorsqu'il dit, après les répréhensions fraternelles, « Si ton frère refuse d'entendre l'Église, alors qu'il soit pour toi comme un païen publicain. » En dehors de ça, aucune mention de l'Église dans les évangiles. Après, ça change, bien sûr. Mais, disons, jusque-là, tout est entièrement centré sur Israël. Et on fait ce tour de force de lire l'Évangile comme si Israël n'existait pas. Et bien entendu, on ne peut pas dire que dans les Évangiles, quand il est question d'Israël et des Juifs, c'est l'Église. Dans les Épîtres, on a fait ce tour de force. C'est ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Quand il est question d'Israël, c'est de l'Église qu'il s'agit. Bon. On verra ce qu'on a à dire à ce sujet-là. Mais pour les évangiles, c'est absolument impossible. Et donc, Jésus est le nouvel Israël, le véritable Israël. Jésus est celui qui revit les expériences de son peuple et qui, par conséquent, est parfaitement solidaire de l'histoire de son peuple. Deuxième dimension midrashique, notamment dans l'histoire du massacre des innocents, il nous est dit « afin que s'accomplisse ce qui a été écrit par le prophète », c'est-à-dire par le prophète Jérémie cette fois-ci, « une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs, beaucoup de lamentations, Rachel perd ses enfants, elle n'a pas à être consolée par ceux qui ne sont plus ». Et là, donc, c'est le texte de Jérémie 31 que l'on connaît, et qui, donc, évoque ce massacre qui a eu lieu donc après la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, et qui est aussi le moment de la déportation du peuple d'Israël en Babylonie, cette fois-ci. Rama, dans les sources de l'époque, était le lieu où les exilés étaient rassemblés avant de prendre le départ pour la Babylonie. Et là, donc, Matthieu va nous présenter autre chose, un autre midrash. Il nous a présenté Jésus comme le nouvel Israël, il nous présente maintenant Jésus comme le nouveau Moïse. Non seulement Jésus s'incarne dans l'histoire d'Israël, mais il revit aussi l'histoire de Moïse. De la même manière, encore une fois, que Moïse avait été poursuivi par la colère du Pharaon, et Jésus l'est par celle d'Hérode. Et dans les deux cas, aussi, il va y avoir un exil. Devenu grand, quand Moïse va tuer l'Égyptien, il va être obligé de s'enfuir. Non plus en Égypte, il quitte l'Égypte, mais il se rend donc dans le pays de Madian. Et il va y rester jusqu'à ce que le Seigneur l'invite à remonter dans le pays d'Égypte. Jésus va descendre, lui, en Égypte, pour les raisons que nous avons vues tout à l'heure, mais il va échapper à la colère de celui qui lui en veut, dans la mesure où, lui aussi, va s'exiler, comme Moïse avait dû s'exiler. Et là, nous retrouvons justement un parallèle, notamment à la fin donc de l'évangile de l'enfance, à partir du verset 19, après la mort d'Hérode. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ils sont morts tous ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaos régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Donc c'est le dernier des Pécharim de l'évangile de l'enfance qui tourne autour de ce verset. Il sera appelé Nazaréen. On verra tout à l'heure où il faut trouver ce verset. Mais contentons-nous ici dans un premier temps de noter la phraséologie de cette péricope. Lève-toi. « Prends le petit enfant et sa mère, dit l'ange, et retourne dans le pays d'Israël. » Et vous retrouvez exactement la même chose dans l'histoire de Moïse à partir du chapitre 13 du chapitre 6 du livre de l'Exode, où le Seigneur dit à Moïse, après la révélation du buisson ardent, « Lève-toi, et rentre dans le pays d'Israël, dans le pays d'Égypte, retourne dans le pays d'Égypte, car ils sont morts tous ceux qui ont voulu à ta vie. » Et vous avez la même chose ici. Car ils sont morts tous ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant. Et voyez-vous, en prenant ce parallèle, Matthieu veut nous dire, eh bien, de fait, Jésus revit l'histoire de Moïse. Lui aussi va revenir dans les mêmes conditions que Moïse était revenu. Il est véritablement le nouveau Moïse. Et il nous a dit, Moïse prit sa femme et ses fils, il les mit sur un âne et il rentra. Et là nous retrouvons à peu près la même chose. Joseph prit le petit enfant et sa mère et il revint dans le pays d'Israël, pas sur un âne. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'âne, c'était une monture de luxe à l'époque, et Joseph n'avait pas les moyens qui étaient ceux de Moïse de se payer un âne. Donc il est rentré à pied dans le pays d'Israël. Voyez-vous, c'est très important parce que il y a dans la tradition juive cette idée que il y a deux exodes dans l'histoire du peuple d'Israël. Ça, ce sont les deux fondements essentiels de la foi juive. La première certitude, c'est que Dieu a libéré son peuple de l'Égypte autrefois, et ce faisant, le peuple d'Israël bénit Dieu chaque jour pour la sortie d'Égypte. Car il est écrit, « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. » Et dans la liturgie de Pâques, on trouve ce passage, « Aujourd'hui, je sors d'Égypte. Moi et ma famille, nous sortons d'Égypte. » Car si autrefois nos pères n'étaient pas sortis d'Égypte, moi et mes enfants, nous serions encore aujourd'hui esclaves de Pharaon en Égypte. Et il est écrit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu », c'est la première des dix paroles, qui n'est pas un commandement, si bien qu'il n'y a que 9 commandements et pas 10 commandements, comme on le dit généralement. La première parole est une promesse, « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Alors on dit en hébreu, « Asherot Setiha Meret Misram Ube Bet Avadim ». Alors on traduit en général, « Qui t'ai fait sortir de la maison du pays d'Égypte et de la maison des esclaves ?» Mais en hébreu, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. Donc on peut aussi bien traduire, « Je suis l'Éternel qui te délivre du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. » Et les rabbins ont dit, « C'est tous les jours que tu dois sortir d'Égypte. » C'est tous les jours que le Seigneur renouvelle cette œuvre qui te permet de secouer tous les esclavages qui pourraient être les tiens dans toutes les circonstances de ta vie. Et donc ça c'est la première certitude. Dieu a libéré son peuple de l'Égypte. Il n'y a pas une seule circonstance de la vie, une fête, un mariage, un décès, quoi que ce soit, où on ne rappelle la sortie d'Égypte. Mais on dit ceci, si Dieu a accompli ce miracle autrefois, il y aura à la fin des temps un deuxième exode, une deuxième Pâque, un deuxième libérateur qui sera manifesté et une deuxième alliance, une nouvelle alliance qui sera conclue comme le Seigneur a conclu une première alliance avec son peuple au Sinaï. Il y aura une deuxième alliance, une nouvelle alliance qui sera conclut comme l'a annoncé le prophète Jérémie dans le chapitre 31 et verset 31. Et quel sera le libérateur de cette deuxième alliance? Quel sera le Moïse de cette dernière alliance? Bien évidemment, le Messie. Et nous retrouvons cela évidemment aussi dans un texte très célèbre, dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome, où Moïse dit ceci, « L'Éternel vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas la voix de ce prophète sera retranché du sein de son peuple. » Et alors, c'est quelque chose d'assez curieux ce texte, parce qu'à la fin du livre du Deutéronome, chapitre 32, il est dit ceci, il ne parut plus de prophète comme Moïse. Et on considère dans la tradition juive que Moïse est le plus grand des prophètes et que tous les prophètes qui sont venus après lui, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres, sont des prophètes de moindre envergure que Moïse. Alors, s'il ne parut plus de prophète comme Moïse, comment Moïse annonce-t-il un prophète qui sera comme lui ? Alors justement, l'explication est celle-ci. Entre Moïse et le Messie, il ne paraîtra plus de prophète aussi grand que Moïse. Mais le dernier prophète qui sera manifesté, lui, non seulement aura l'envergure et la stature de Moïse, mais même il sera plus grand que Moïse. Ainsi qu'il est écrit, et là c'est intéressant, un texte de Qumran reprend Ésaïe 53. 53, donc, que l'on a appelé dans la tradition chrétienne l'évangile selon Ésaïe, et que les juifs ont mis de côté à cause de l'usage qu'en faisaient les chrétiens On ne le lit pas, donc, quand on fait la lecture du livre d'Ésaïe, on saute le chapitre 53, et quand on est obligé de le commenter, on déclare que le serviteur, ça n'est pas le Messie, mais le serviteur, c'est Israël. Israël qui souffre pour le péché des nations. Bon, c'est pas la peine d'entrer dans ce type d'exégèse-là, mais il est intéressant de noter qu'à l'époque de Jésus, on ne considérait pas qu'Israël était le serviteur d'Ésaïe 53, mais que c'était bel et bien le Messie. Et ce texte nous dit ceci. Il est écrit, verset 1er, « Voici, mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera bien haut. » À trois reprises, il est dit que le serviteur s'élèvera. Quand nous lisons, nous, ce texte, le fait que, à trois reprises, il soit question de l'élévation du Messie, du serviteur, ça ne nous empêche pas de dormir. Un juif, oui. Et le juif va se poser la question, pourquoi Dieu, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il éprouvé le besoin, par trois fois, de rappeler que le serviteur s'élèvera? Et la réponse est celle-ci, parce que le Messie, qui est le serviteur, s'élèvera plus haut que tout ce qu'Israël a produit de mieux. Qu'est-ce qu'Israël a produit de mieux? Quel est, dans l'histoire d'Israël, le plus grand homme d'Israël? D'abord, c'est Abraham. Ça commence par Abraham. Par conséquent, le Messie s'élèvera plus haut qu'Abraham. Quel est ensuite celui qui est pratiquement l'équivalent d'Abraham? C'est ce que tu viens de dire, Moïse. Donc, le Messie s'élèvera au-dessus de Moïse. Non seulement il sera comme Moïse, mais il sera plus grand que Moïse. Et puis ensuite, troisième point, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand que Abraham et Moïse? Non? Jésus, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissaient pas à cette époque-là. Ici, on est, disons, dans les toutes dernières décennies avant la naissance de Jésus. Non, pas David. Il faut chercher dans le ciel. Sur la terre, il n'y a plus rien. Non, pas Dieu. Les anges. Donc, le Messie, nous est-il dit, s'élèvera au-dessus d'Abraham, au-dessus de Moïse, et au-dessus des anges. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Exactement. Nous retrouvons exactement cela dans l'Épître aux Hébreux. C'est le plan même de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux commence par nous expliquer dans le chapitre 1er que Jésus est supérieur aux anges. Deuxièmement, qu'il est supérieur à Moïse. Et troisièmement, qu'il est supérieur à Abraham. Ce qui veut dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait ce Midrash. Et voyez-vous, Matthieu le connaissait aussi. Et dans la manière dont il nous présente Jésus sous la forme d'un nouveau Moïse, qui revit toute l'histoire de Moïse, qui est sauvé comme Moïse, c'est une manière de nous dire, eh bien, nous entrons maintenant dans cette période du deuxième Exode. Nous entrons dans cette période que tous les prophètes ont annoncée parce que tous les prophètes ont prophétisé le nouvel Exode. Ce thème du nouvel Exode, j'ai développé ça hier à Rennes, dans une église où j'étais invité, le thème du deuxième Exode, il parcourt toute la Bible. Et notamment, on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse qui est le nouvel Exode, le dernier Exode du peuple de Dieu. Et Jésus est donc le prophète, comme Moïse avait annoncé. Et par conséquent, il doit être écouté. Et ça, vous le retrouvez. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera donc mis à mort, sera retranché du sein de son peuple. Vous retrouvez ça, bien sûr, dans la scène du Jourdain, quand donc la voix se fait entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Vous retrouvez ça sur la montagne de la Transfiguration, où les mêmes propos se font entendre aussi de la voix qui va sortir de la nuée. Par conséquent, Jésus est bel et bien le prophète, le nouveau Moïse qui avait été prophétisé, et par conséquent, eh bien, il est celui qui doit être écouté comme Moïse l'a écouté, et en plus de ça, il est celui qui va donner, comme Moïse l'a fait, une deuxième Torah. Ça, on aura l'occasion de le revoir, notamment quand nous parlerons du sermon sur la montagne. Donc ici, Jésus, deuxième Moïse. Jésus, donc, est en même temps, nous est dit qu'il va remonter d'Égypte, comme Israël était remonté d'Égypte, et que, à cause des circonstances politiques du moment, juste après la mort d'Hérode, quand son fils, un de ses fils, Archélaos, vient sur le trône, bon, Hérode était un abominable tyran, on en a parlé la dernière fois, Archélaos, son fils, ne valait absolument pas mieux. Et dès les premiers temps de son règne, il s'est mis tout le peuple d'Israël à dos, en installant des images dans le temple. Or, il est écrit, tu ne feras pas d'image. Ça a provoqué une émeute terrible au sein du peuple juif, qui a voulu décrocher de force ces images que le roi avait fait afficher, et il s'en est résulté un massacre. Et une délégation juive est allée à Rome vers l'empereur Auguste, lui disant on ne supporte pas ce bonhomme-là. Il faut absolument, il est pire que son père, donc il faut absolument l'éliminer. Et c'est ainsi que les Romains ont pris l'administration directe de la province de Judée par un gouverneur qui avait rang de préfet. Et donc Archélaos était sur le trône de son père, et Joseph, avec raison, se disait, tel père, tel fils, c'est peut-être pas tellement le moment de retourner à Bethléem où nous avons vu, il avait finalement acquis une maison, puisque les mages vont trouver Jésus non pas dans la crèche de Bethléem que l'on a l'habitude de voir dans la représentation de nos crèches qui sont contestées actuellement, où on voit d'un côté les bergers et de l'autre côté les mages. Bon, c'est deux adorations à deux moments différents et donc dans deux lieux entièrement différents. Ça fait partie aussi de nos images d'Épinal qui ne sont pas justes historiquement. Il avait une maison, il avait acquis une maison, Joseph, à Bethléem, peut-être qu'il avait hérité de ses ancêtres, on ne sait pas, mais il a préféré donc se rendre à Nazareth. Nazareth, d'où il était originaire, lui et sa femme, et cela arrivera, nous dit Matthieu, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Alors, qu'est-ce que c'est que ce verset étonnant? Eh bien, c'est tout simplement un texte que nous trouvons dans le chapitre 11 du livre du prophète Isaïe au verset 1er. Il nous dit ceci, « Vaïtse netzer mishoresh ishaï » comment est-ce qu'on peut dire ?« Netzer » c'est, oui, un rejeton, un surjon, etc., jaillira du tronc d'Ishaï et le rejeton de ses racines fructifiera. Et donc rejeton, en hébreu, ça se dit netzer, qui est la racine même du mot natsrat, que l'on traduit en français par Nazareth. Évidemment, quand on lit dans les traductions Nazareth et rejeton, en français, on ne voit pas le rapport entre les deux réalités. Mais si vous retraduisez en hébreu, le rapport il est évident. Netzer Natsrat, rejetons Nazareth. Et donc, c'est une manière aussi de nous dire, Jésus est véritablement ce rejeton d'Ishaï, le père de David. Et l'image est tout à fait claire, c'est aussi une prophétie sur la pérennité d'Israël jusque dans les temps de la fin. Et là, c'est un autre midrash que nous retrouvons aussi. Le rejeton en question, c'est évidemment le rejeton d'un olivier. Pourquoi ? Pour une bonne simple raison. c'est que l'olivier, non seulement c'est l'arbre le plus courant dans cette région, mais c'est un arbre qui est pratiquement indestructible. Si on le coupe, il va toujours repousser. Et je me souviens de cet ami israélien qui me montrait dans l'entrée de sa propriété un tronc d'olivier qui était là et qui gênait justement l'ouverture du portail quand il avait besoin de rentrer sa voiture. Alors il avait coupé cet olivier et pour éviter que l'olivier ne repousse, il avait brûlé la souche jusqu'aux racines. Et il me disait, regarde, il n'y a rien à faire. À quelques centimètres de la souche brûlée, il y avait une branche qui était en train de sortir. Indestructible. Et l'image est la suivante. L'olivier représente Israël dans la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 11. Et Ésaïe a été amené à annoncer la destruction d'Israël par ses ennemis. La déportation, l'exil, et quand ces événements arriveront, nous dit le prophète, on pourra penser qu'Israël est perdu, qu'Israël est mort, qu'Israël ne se relèvera jamais de cette catastrophe-là. Or, il ne faut pas se leurrer, de la même manière que l'olivier, même apparemment complètement détruit, produit toujours des rejetons. De la même manière, Israël produira un rejeton et par conséquent sera indestructible. Israël est indestructible. Et un rejeton du tronc d'Ishaï, c'est-à-dire de la lignée davidique. Et évidemment, déjà dans la bouche du prophète, ce rejeton, c'est le Messie. Et la venue du Messie sera la condition même de la pérennité d'Israël, du fait qu'Israël renaîtra toujours de ses cendres. Par conséquent, le peuple d'Israël est éternel, indestructible, parce que, et justement, le Messie assure cette pérennité. Et ça, vous retrouvez ça, cette idée, dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, en particulier chez Paul, quand il nous dit que les racines donc sont saintes, que par conséquent, même si des branches ont été arrachées, c'est l'apologue de l'olivier, vous retrouvez cette parabole évidemment dans l'Épître aux Romains, dans ce chapitre bien connu du chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Donc, ici, nous arrivons à la conclusion de ce qui est le propos de Matthieu dans cette introduction à son évangile. Il sera appelé Nazaréen parce que justement il sera aussi la lumière des nations. Alors ça c'est intéressant. Il y a encore une allusion qui est faite ici à une autre prophétie que l'on trouve toujours dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9 quand il est dit que donc si les temps passés ont rempli de confusion le pays de Nephtali, le pays de Zabulon et la région de la route de la mer, les temps à venir couvriront de gloire la Galilée des païens. Et le peuple qui marche dans les ténèbres, une grande lumière, sur ceux qui habitent la vallée de l'ombre de la mort, une grande lumière a resplendu. On connaît bien ce texte, bien sûr. Il est aussi un des textes qui sont lus dans la période de l'Avent, quand on célèbre Noël. Et qu'est-ce que le prophète veut dire? Eh bien, Ésaïe prophétisait à une époque où déjà les invasions assyriennes avaient considérablement dépeuplé le royaume du Nord. Le royaume donc qui ensuite avait disparu à l'époque où Ésaïe prophétisait. Et les Assyriens avaient commencé par déporter les habitants de ce qu'on appelait depuis la Galilée. Donc il a emporté en exil les tribus de Nephtali et de Zabulon avant même que les autres tribus ne soient déportées, et il a remplacé ces populations par des populations qui étaient venues de Mésopotamie, que la Bible appelle les Cutéens. Et donc c'était une région qui était devenue, par la force des choses, une région païenne, une région idolâtre. Par conséquent, une région qui nous dit, qui selon le prophète, était plongée dans les ténèbres de l'obscurantisme, c'est-à-dire dans les ténèbres de l'idolâtrie. Or, justement, cette région était devenue, à cause de ce transfert de population qui avait été opéré par le roi d'Assyrie, ce qu'il appelle Glilagoyim, deux qui sont en français, Galilée des nations. Le mot Galilée vient de là, c'est un mot qu'on a commencé à employer seulement cette période-là, ça veut dire territoire des païens, territoire peuplé par les païens. Et c'est dans cette région que le Netzer Israël va venir habiter. Maintenant, il est intéressant, Netzer, ça vient aussi d'une racine qui signifie éternité, donc il demeura éternellement. Et ça veut dire aussi caché, quelque chose de caché. Et de fait, tous les évangiles nous présentent toute une partie de la vie de Jésus qui est une partie cachée, qui est cachée à Nazareth, la ville où les choses sont cachées. Et tout un jeu de mots sur ces expressions-là. La vie cachée de Jésus, les années cachées de Jésus, comme disent les théologiens, eh bien, vont se passer dans cette vie de Nazareth, qui est la vie du caché. Et caché où ? Au milieu du territoire des païens. Un territoire qui est peuplé essentiellement de païens, car même à l'époque de Jésus, malgré le fait que beaucoup plus tard les Juifs y étaient revenus, cette région était en majorité une région qui était peuplée par des païens. D'où d'ailleurs les problèmes qui apparaîtront quand Jésus viendra prêcher dans la synagogue de Nazareth et qu'il va glorifier les païens, Naaman, la veuve de Sarepta, etc. Ça, c'en est trop pour les habitants de Nazareth qui sont en conflit avec notamment les habitants de Tsipori qui sont à quelques kilomètres de là et qui sont essentiellement des Romains, des Grecs et des Romains. Donc là, Jésus va être mal vu et ils vont le chasser, essayer de le tuer, comme on sait. Donc ici, la région peuplée par des païens. Pourquoi ? Parce que nous retrouvons la même idée que celle que nous avons rencontrée tout à l'heure. Eh bien, le Messie sera la lumière des nations. Il sera la gloire d'Israël, mais il sera la lumière des nations. Selon ce qu'a annoncé le prophète Ésaïe, je t'établis pour être la lumière des nations et porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi les années obscures de Jésus vont se passer à Nazareth, l'endroit où les choses sont cachées et qui est l'endroit aussi de l'humilité vécue au quotidien. Donc nous concluons maintenant sur ce qui est le but de Matthieu et dès le départ de son évangile. En quelque sorte, Matthieu nous pose une question fondamentale. Qui est Jésus ? Voilà, tout est là. De la réponse à cette question va dépendre le salut ou la perdition de tous les lecteurs. Qui dites-vous que je suis ? Dira Jésus beaucoup plus tard à ses disciples. Et il y a une seule réponse bonne. C'est « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Donc, qui est Jésus ? C'est la question qui parcourt tout l'Évangile et qui, est la question centrale de l'Évangile lui-même. Premièrement, nous avons vu qui est Jésus. Il est le véritable Israël, celui qui revit l'histoire de son peuple. Deuxièmement, il est le second Moïse. Et ça c'est très intéressant parce que cette idée que Jésus est le second Moïse, le prophète comme Moïse l'avait annoncé, elle se retrouve dans tout l'évangile de Matthieu. Matthieu nous présente Jésus comme étant ce second Moïse qui va accomplir le deuxième exode qui avait été annoncé par les prophètes. Par contre, Luc nous présentera Jésus comme le deuxième Élie. La perspective est un petit peu différente. Elle n'est pas opposée, mais elle est complémentaire. Et l'on retrouve cette complémentarité, par exemple, dans la scène de la Transfiguration, où nous trouvons justement ce dialogue entre Jésus, Élie et Moïse. Mais Moïse est essentiel pour Matthieu, parce que justement, c'est le prophète d'Israël, essentiellement. Troisièmement, il est le véritable fils de David, le Netzer Ishaï, donc le rejeton d'Ishaï, le Messie promis. Et enfin, il est le véritable fils de Dieu. Et ce faisant, il est un signe pour toutes les nations. Et finalement, bien que l'évangile de Matthieu soit l'évangile le plus juif des quatre évangiles, c'est un évangile qui s'adresse aussi aux nations, qui doivent reconnaître ces choses et qui doivent reconnaître que Jésus est le roi des Juifs, qui par conséquent est peut-être leur sauveur, et qu'il est, et ça c'est, nous est rappelé aussi dans un des pécharim que nous avons rencontrés, il est le Emmanuel, Dieu avec nous. Vous retrouvez ça aussi à la fin de l'évangile, où Jésus, donc, après avoir donné à ses disciples cette grande commission que nous avons évoquée, dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire brièvement sur cet évangile de l'enfance. Je ne sais pas, on fait une pause ici peut-être pour poser des questions sur ce sujet-là, avant d'aborder la suite de l'évangile de Matthieu. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Oui, justement, par rapport à ce nom Emmanuel, quand l'ange vient visiter Marie et lui dit qu'il sera appelé Emmanuel, de toute sa vie terrestre, on ne voit pas que... Que ce soit appelé non. Emmanuel. Non, non, non. Alors, c'est ça, je comprends. C'est un nom qui est tiré justement d'une des prophéties d'Isaïe également. Donc, quand il est annoncé, donc une autre prophétie messianique, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, dont la domination sera son épaule, on l'appellera Dieu puissant, etc. Et finalement, on lui donnera aussi le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Par conséquent, c'était un des noms du Messie, un des noms symboliques du Messie. Mais ça ne veut pas dire que le Messie devait obligatoirement porter ce nom à l'état civil, vous comprenez? Et dans la tradition juive, le Messie a de très nombreux noms. Il s'appelle le Shiloh, on a vu ça aussi la dernière fois. Il s'appelle Menachem, le consolateur. Il s'appelle Hanani, celui qui vient sur les nuées, parce que c'est le fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, selon donc le Daniel 7. Il s'appelle Ginon, d'après le psaume 72. Il y a de très nombreux noms qu'on donne au Messie. C'est très intéressant d'ailleurs de faire une étude à ce sujet-là, parce que ça nous donne une facette de ce qu'est l'œuvre du Messie. Et donc Emmanuel, c'est la présence de Dieu. Et finalement, pour Matthieu, donc Jésus est venu manifester la présence de Dieu au milieu des hommes. Et même quand Jésus retourne au ciel, cette présence de Dieu ne les quitte pas. Donc elle reste, et le Seigneur est, bien que absent corporellement, présent par son esprit avec eux jusqu'à la fin du monde, selon l'accomplissement de la prophétie. Tout à l'heure, tu as abordé la question du deuxième exode. Est-ce que sans trop long, peut-être quelques mots rapidement dans le Nouveau Testament, possible? Alors, c'est un thème qui a été repris par pratiquement tous les prophètes. On trouve ça, par exemple, surtout à partir du chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe. Donc, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Donc, on entre dans un temps de libération. Une voix crie, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. dans le désert, il y aura un nouvel exode. La présence du Seigneur, la Shrina, qui conduisait le peuple, se manifestera à nouveau. Donc, et le Seigneur ramènera son peuple dans le pays promis. Il est question un peu plus loin de quelque chose qui ressemble à la traversée de la mer Rouge. Ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim, le mirage ne les décevra plus, etc. Parce que le Seigneur, de la même manière qu'il a donné la manne dans le désert et l'eau du rocher, donnera à son peuple pendant ce nouveau parcours au désert les mêmes réalités qui lui permettront de survivre dans des conditions qui seront difficiles. On retrouve ça aussi bien sûr chez Jérémie. Quand Israël était jeune, je l'aimais, j'appelais mon fils hors d'Égypte. Je me souviens, non ça c'est osé, je me souviens de ton amour pour moi quand tu m'étais fiancé au désert, tu me suivais dans une terre inculte, etc. Et ensuite le prophète annonce que ce qui s'est passé alors va se reproduire au temps de la fin. Dieu ramènera son peuple au désert à partir du chapitre 30, 31, 32, etc. Il voit le peuple dispersé comme des brebis dans le désert, des brebis perdues dans le désert, et le Seigneur est un berger qui va rassembler son troupeau et il va le ramener à Jérusalem et qu'ils viennent en pleurant, etc. Et il sera le berger qui va ramener son peuple comme Moïse était le berger qui avait amené le peuple dans la terre promise. On trouve ça chez Osée, donc avec l'histoire de sa femme infidèle, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je l'attirerai au désert, je parlerai à son cœur. Et donc là, Dieu va faire une nouvelle alliance avec Israël dans le désert, comme aussi Jérémie l'a dit, et va le ramener donc dans le pays promis. Donc c'est un thème qu'on retrouve pratiquement chez tous les prophètes, ce thème du nouvel exode. Oui, allez-y. Il y a des choses qui sont des points difficiles à comprendre. Vous avez dit le Seigneur est venu pour les brebis perdus d'Israël pendant tout le temps qu'il était encore en Israël, mais qu'en est-il de Jésus à la croix? Qu'en est-il de sa crucifixion? Parce que le Seigneur a été crucifié pour tous les hommes. Bien sûr. Mais c'est justement, on trouve cette universalité dès le départ de l'évangile de l'évangile de Matthieu. Et justement, vous pouvez mentionner la croix, et c'est très intéressant, parce que à la croix, il y avait au-dessus de la croix ce qu'on appelle le titulum, c'est-à-dire le motif de la condamnation. Et quel était le titulum? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et cette expression était en trois langues, nous est-il dit, en hébreu, en grec et en latin, ça veut dire dans toutes les langues les plus communes du monde connu d'alors. Et pour l'évangile, c'est une manière de nous dire, le monde entier doit savoir que Jésus est mort en tant que roi des Juifs. Et quand on réalise cela, effectivement, le monde entier, disons, chaque nation, chacun de ceux qui habitent les nations, peuvent recevoir le pardon des péchés et le salut qui est en Jésus. Et vous retrouvez ça aussi, par exemple, dans l'évangile de Luc, quand, donc, après la croix, justement, quand Jésus apparaît vivant le soir de Pâques au milieu de ses disciples dans la chambre haute, il leur dit, c'est là ce que je vous disais, quand j'étais encore au milieu de vous, qu'il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui a été écrit dans la Torah de Moïse, chez les prophètes et dans les psaumes, à savoir que le Messie devait souffrir, ressusciter le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc, chez Luc aussi, d'une certaine manière, on retrouve ce thème de la grande commission qui est donnée après la résurrection. Parce que après la résurrection, disons, il y a ce ministère universel de Jésus qui devient évident, si vous voulez, quoi. Avant, il était encore limité à quelques-uns, donc les mages, les centurions romains qui ont bénéficié des guérisons de Jésus, la femme cananienne avec sa fille, etc. Mais et puis aussi, on voit dans l'évangile de Jean quelques Grecs qui étaient venus aussi voir Jésus. Bon, mais disons, c'était limité. Tandis que là, maintenant, ça, disons, la résurrection de Jésus ouvre, et donc la mort et la résurrection de Jésus, puisque ce sont des choses qui sont liées, ouvrent les portes du pardon pour le monde entier. Une femme syrophénicienne. Oui, phénicienne, oui, c'est. J'ai parlé cananéenne, phénicienne, tout ça, c'est. Oui, c'est synonyme. Quelqu'un avait levé la main, moi, je crois, non? Oui? Vous avez dit que de la racine trinitaire sur laquelle est construite le monnaie serbe, vous pouviez construire d'autres significations éternité cachées. Vous pensez au mot élan qui est rapproché dans la littérature rabbinique du monnaie élan? Attendez, je n'ai pas très bien compris, je voulais répéter. De Netzer, vous avez. Ah, de Netzer, oui. Vous avez tiré la signification éternité. Oui. Et caché. Est-ce que les mots auxquels vous pensez sont Olam et Neelam? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, là c'est Netzer. Netzer, Netzer. Netzer, ça veut dire l'éternité. Et Netzer, ça veut aussi dire caché, de fait. Vous retrouvez cette racine dans le nom d'Esther. Esther, la reine Esther, donc ça veut dire la cacher, littéralement. Et il y a un jeu de mots aussi, parce que donc le livre d'Esther, c'est le livre de ce qui est caché, puisque le nom de Dieu n'apparaît que 5 fois, mais d'une manière cachée. Oui ? Une question dans l'Ésaïe 53, quand on dit il célébrera. Oui. Dans quelle traduction française on peut le trouver? Parce qu'on n'a pas sur le texte. C'est pas comme ça que c'est dans les traductions? Je sais pas. Je vais. Donc, il célébrera comme une telle de France? Non. Voyons. Si, c'est au chapitre 52, en fait, verset 13. Voici mon serviteur. Alors ici, ils ont traduit par prospéra, il montera, il s'élèvera et sera très haut placé. Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu reprendre, faire des répétitions, parce qu'en français, on n'aime pas les répétitions, mais dans le texte original, c'est le même mot. En fait, souvent, dans l'Ancien Testament, il y a un lien très fort entre le Messie, enfin, ou disons le serviteur, et puis le peuple d'Israël. Oui. Oui. On passe souvent de l'un à l'autre. Absolument, absolument. Et nous avons vu que Matthieu fait ça aussi. Il nous montre que, donc il cite un texte qui s'applique à Israël, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, pour l'appliquer à Jésus. Et on retrouve ça aussi dans le Magnificat, à la fin du Magnificat. Quand donc Marie déclare ceci, donc et il s'est souvenu d'Israël, son serviteur. Donc ça veut dire que Marie assimile Israël au serviteur de l'Éternel des chants du serviteur qu'on trouve dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, sans que ça porte atteinte au fait que Jésus est aussi le serviteur. Les deux interprétations sont justes en quelque sorte. Ça peut justifier l'attitude des Juifs, dit que Israël, c'est pas le Messie, parce que oui, à la différence tout de même, que dans Ésaïe 53, ça n'est pas possible. C'est possible dans les autres chants du serviteur, ça veut dire le chapitre 42, le chapitre 50 ou le chapitre 49, mais dans le chapitre 53, c'est pas possible. Parce qu'il est dit, qui a cru qu'il a été coupé de la terre des vivants et retranché à cause des péchés de mon peuple. Et en hébreu, le mot peuple, c'est ami. Et ami, il y a deux mots pour dire peuple en hébreu. Il y a le mot âme et il y a le mot goy. Et quand le mot âme s'applique uniquement et toujours dans la Bible à Israël, et Israël seulement. Par contre, le mot goy s'applique aux nations. Donc là, frappé pour les péchés de mon peuple, ça ne peut pas être un autre peuple que le peuple d'Israël. Donc, si vous voulez dire que Israël c'est le serviteur dans ce texte-là, c'est impossible. Parce que ça veut dire le serviteur souffre pour le serviteur. Ça annule complètement, si vous voulez, le sens du texte lui-même, quoi. Oui, mais je voudrais revenir sur le troisième cylindre aura pour les anges. Oui. J'ai du mal à comprendre comment on passe des hommes historiques de juifs, oui, aux anges. Pour moi, c'est pas du tout le même domaine. Non, mais... et le Messie, il est homme, il est sur la terre, donc comment les sages sont arrivés à cette notion de « il s'élèvera au-dessus des anges » Il y a un texte qui est cité dans l'Épître aux Hébreux qui répond à cette question. « Auquel des anges a-t-il jamais été dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ?» Donc il cite le psaume. Et c'est une manière de montrer aussi qu'on ne peut pas trouver quelque chose de plus grand que le Messie, ni sur la terre, ni dans le ciel. Vous voyez ? Oui. Oui. Oui. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas dire en parlant de Jésus en tant que fils, c'est au final le synonyme de ressuscité, parce que Paul nous dit dans son discours à Antioche de Pisidie que je vous annonce une bonne nouvelle, Dieu a pleinement accompli les promesses faites à nos pères en ressuscitant Jésus-Christ selon qu'il est écrit dans le psaume 2, aujourd'hui tu es mon fils, je t'engendre. Il établit une espèce d'équivalence, c'est qu'il est fils au titre de la résurrection, fils ne dit rien d'autre que le ressuscité. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense que quand le Nouveau Testament applique ce texte du psaume à Jésus, ils entendent d'abord et avant tout la naissance virginale. La naissance virginale qui est essentielle, parce que si Jésus n'est pas né d'une vierge, donc s'il n'est pas fils de Dieu au sens plein du terme, au sens biologique du terme, il ne peut pas être non plus le sauveur des nations. Et quand bien même serait-il ressuscité, ça ne changeait rien. Et il y avait dans les premiers siècles de l'Église une théorie justement qui prétendait ça, que Jésus n'est devenu fils de Dieu qu'à la résurrection. On appelle ça l'hérésie adoptionniste. Donc Jésus a été adopté, il était un simple homme qui par sa résurrection a été adopté comme fils de Dieu. Les conciles, les premiers conciles, donc, ont traité de cette question en son temps, et donc ont condamné cette doctrine-là comme étant une hérésie. Voilà, on va terminer là pour aujourd'hui. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on le retrouve dans la notion du royaume de Dieu. Ça, on aura l'occasion d'y revenir avec justement Matthieu. Dès le départ, il y a ce thème du deuxième exode. Et donc du deuxième Moïse qui doit conduire ce deuxième exode. Vous retrouvez ça chez Luc, en particulier aussi dans la scène de la transfiguration. Il est le seul à mentionner que le sujet de la conversation qu'il y avait entre Jésus et Élie et Moïse, c'était l'exode qu'il devait accomplir à Jérusalem, exodos en grec. On retrouve ça surtout dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, alors on retrouve la révélation du nom de Dieu, celui qui vient, comme la révélation de Moïse dans le buisson ardent. On retrouve la formation du peuple sacerdotal à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, comme ça a été dit au Sinaï. On retrouve au chapitre 4 l'agneau immolé, donc l'agneau de Pâques, l'agneau de la Pâque. Et on retrouve alors un peu plus tard, dans l'histoire de la femme au désert, la femme qui a enfanté le fils mâle et qui est poursuivie par le serpent et qui reçoit les ailes du grand aigle, c'est une allusion aussi à un texte de l'Exode, je vous ai porté sur les ailes d'aigle, je vous ai amené jusqu'ici, dit le Seigneur à Israël quand il arrive au pied du mont Sinaï. Et donc le serpent, le dragon, jette un fleuve d'eau vive pour noyer la femme, donc allusion à la mer Rouge. Et la terre s'ouvre pour avaler cette eau, pour que le peuple d'Israël soit sauvé. Et le peuple d'Israël va être caché au désert un temps, des temps à la moitié d'un temps. Ça veut dire pendant toute la durée de l'épreuve eschatologique, où il va être préservé justement de tous ses ennemis, et notamment de la colère du serpent qui voudra l'éliminer jusqu'au moment où au temps de la fin, justement, il reviendra. On retrouve le thème des plaies d'Égypte. L'eau changée en sang, les sauterelles, les grenouilles, tout, l'obscurité, tout ce qui s'abat sur le royaume de la bête nouveau pharaon. On retrouve l'exode, sortez du milieu de mon peuple, ça veut dire non plus de l'Égypte mais de Babylone, Babylone étant devenu le grand village mondial. Babylone, le royaume de la bête englobe toute la terre, selon ce qui est écrit dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Et après cette sortie de Babylone, eh bien, le peuple d'Israël, le nouveau peuple de Dieu, Israël et l'Église, sont en route vers la nouvelle terre promise, la nouvelle Jérusalem. La terre nouvelle et la nouvelle Jérusalem dans laquelle tout s'achève et qui est finalement la manifestation de ce dernier exode. Ce dernier exode dont Jérémie avait dit une chose étonnante, il sera tellement plus glorieux que le premier exode que l'on en oubliera le premier exode. Or, en principe, nous l'avons vu, on n'oublie jamais le premier exode. Mais là, ce sera tellement supérieur, tellement plus glorieux que ça n'a été au moment du premier exode, qu'on oubliera tout ce qui a été passé dans l'exode précédent. Bon, ça très rapidement, très schématiquement, voilà ici les principaux lieux où on trouve cette mention du deuxième exode. Alors, je vais transférer le micro. En ce qui concerne le massacre des innocents, oui. Comment les autorités locales, religieuses, ont-elles interprété cet événement? Je suppose que... Vous savez, Hérode était un tyran abominable et les massacres étaient fréquents chez lui. Bethléem était une petite ville, bon, les environs aussi. Ça n'a pas été des milliers et des milliers de massacrés. Ça a été quelques dizaines, quelques centaines maximum. Bon, par rapport au massacre pratiquement permanent qui était à cette époque-là dans le pays d'Israël, c'était finalement peu de choses et je pense que dans l'ensemble, ça a dû passer plus ou moins inaperçu. Mais pour vous donner une idée de ce que les choses avaient pu être, l'historien Flavius Joseph nous raconte que lorsque Hérode a senti sa mort prochaine, il a donné des instructions pour que dès qu'il aurait rendu le dernier soupir, on massacre un enfant dans chaque famille d'Israël, pour que le jour de ses obsèques, il n'y ait pas des réjouissances mais des larmes. Ça vous donne l'envergure du bonhomme. Non, heureusement, non, ça n'a pas été réalisé. Mais voilà, c'est ce qu'ils avaient pensé. Ah oui, c'était. Ouais. Oui, allez-y. Il y a des choses qui sont des points difficiles à comprendre. Vous avez dit le Seigneur est venu pour les brebis perdues d'Israël, pendant tout le temps qu'il était donc en Israël. Mais qu'en est-il de Jésus à la croix? Qu'en est-il de sa crucifixion? Parce que le Seigneur a été crucifié pour tous les hommes. Bien sûr. Mais c'est justement, je dis, on trouve cette universalité dès le départ de l'évangile de l'évangile de Matthieu. Et justement, vous pouvez mentionner la croix, et c'est très intéressant, parce que à la croix, il y avait au-dessus de la croix ce qu'on appelle le titulum, c'est-à-dire le motif de la condamnation. Et quel était le titulum? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et cette expression était en trois langues, nous est-il dit. En hébreu, en grec et en latin, ça veut dire dans toutes les langues les plus communes du monde connu d'alors. Et pour l'évangile, c'est une manière de nous dire, le monde entier doit savoir que Jésus est mort en tant que roi des Juifs. Et quand on réalise cela, effectivement, le monde entier, disons, chaque nation, chacun de ceux qui habitent les nations, peuvent recevoir le pardon des péchés et le salut qui est en Jésus. Et vous retrouvez ça aussi, par exemple, dans l'évangile de Luc, quand, donc, après la croix, justement, quand Jésus apparaît vivant le soir de Pâques au milieu de ses disciples dans la chambre haute, il leur dit, c'est là ce que je vous disais, quand j'étais encore au milieu de vous, qu'il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui a été écrit dans la Torah de Moïse, chez les prophètes et dans les psaumes, à savoir que le Messie devait souffrir,